Regarde, c'est simple. Pour ouvrir Internet, tu places la souris sur l'icône du navigateur, ici, puis tu cliques et la page s'ouvre. Voilà. Tu dois maintenant écrire ton adresse email et tu composes ton mot de passe. Et voilà, tu peux taper ton message. Pour l'envoyer, tu cliques ici. Facile, non? Et quand tu as fini, tu quittes le navigateur et tu éteins. Quand tu le fais, ça paraît simple. Mais je pense que je vais me tromper plus d'une fois. Ne t'inquiète pas, je viendrai t'aider si tu as des problèmes.